Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Tel le loup solitaire, Tatanka Yotanka, plus connu sous le nom de Sitting Bull, parcourt les grandes plaines de l'ouest de l'Amérique du Nord. Sitting Bull, cela veut dire « bison assis ». Assis ? Mais pourquoi pas debout ? Notre homme serait-il une grosse flemmasse ? Mais non, évidemment que non. Si le bison est assis, c'est qu'il refuse de bouger. Il est tenace, obstiné. Sitting Bull, c'est le nom d'un grand chef indien, Sioux. Pour les Sioux, quatre valeurs sont fondamentales. La sagesse, la générosité, la bravoure, la force d'âme. Toutes ces qualités, Sitting Bull les possède. Sans lever un sourcil, il endure la chaleur du soleil ou le froid de la neige. Il sait guérir et parler après le bip sonore. Non, pardon. Avec les esprits. Il aurait même, paraît-il, le sens de l'humour. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai choisi de te raconter son aventure. Sitting Bull est un valeureux guerrier. Dans les années 1860, lorsque les hommes blancs ont décidé d'envahir le territoire de son peuple, il les a combattus avec rage, avec force, avec courage. Plutôt mourir en indien que vivre en homme blanc. Il est la lance et le bouclier de tout le peuple Sioux. Voici l'Odyssée de Sitting Bull, le dernier indien libre des plaines. Yahoo! Dans les grandes prairies, à l'ouest de l'Amérique, l'herbe ondule sous le vent. On dirait un immense océan qui scintille. Pour les Sioux, la nature est sacrée. Le ciel, la lune, les rochers, les éclairs, les truites, tous sont la demeure de Wakantanka, le grand mystère, la divinité suprême. À celui qui lui demande quand il est né, Sitting Bull répond « Je suis né sur les bords de la rivière Missouri. » Enfant, il porte un autre nom. On l'appelle Uneski, celui qui réfléchit lentement. Le petit, en effet, pèse ses mots. Il a déjà la sagesse dans le sang. Il fait partie des Onk Papa, un clan de très grands chasseurs. Saison après saison, il parcourt les grandes plaines à la poursuite du bison. Grâce à lui, ils se nourrissent, ils s'habillent, ils se protègent. Leur vie entière dépend de lui. Ce majestueux animal, les Onk Papa le respectent. On les appelle d'ailleurs le peuple du bison. À ne pas confondre, bien sûr, avec le peuple du bisou. D'autant qu'ils n'en distribuent pas beaucoup, des bisous. Les Onk Papa, en effet, sont des guerriers redoutables. Le soir, allongé sous son tipi, Uneski rêve de prouver sa valeur. Bon sang, mais quand ? Quand et comment pourra-t-il enfin montrer ce qu'il a dans le ventre ? Uneski a 14 ans. Un matin, à l'aube, il aperçoit un groupe de guerriers sur le point de partir en expédition contre des Indiens. Crow. Moi aussi, je veux affronter nos ennemis. Lance-t-il, aussi rapide que l'éclair. Les hommes se regardent. Uneski est bien jeune, mais il a visiblement de l'audace. C'est d'accord. Au galop, au galop! Les guerriers parcourent la prairie en direction du campement Crow. Ce jour-là, Uneski ne se contente pas d'observer comme les anciens le lui ont conseillé. Au péril de sa vie, il fonce sur l'ennemi. Il lève son tomahawk très haut dans le ciel et d'une main ferme, sans hésiter, il l'abat sur son adversaire. Uneski vient de donner son premier coup décisif. Il n'est plus un enfant. On l'appelle désormais Sitting Bull. Il est devenu un guerrier. Le jeune homme n'en finit pas de prouver sa valeur. Rusé, rapide, précis. Il excelle à la chasse, il excelle au combat. Il est aussi très bon lorsqu'il s'agit de voler des chevaux. Comme une bolette, il se faufile au territoire ennemi sans jamais être vu. La nuit, le jour, il est redoutable. Sitting Bull, c'est qu'un jour, il sera amené à jouer un grand rôle auprès de son peuple. Il veut œuvrer pour son bien. Depuis qu'il est enfant, il participe aux rites ancestraux. Porté par le rythme des tambours, il chante et il danse. Il danse pendant des heures. Il appelle les esprits qui guérissent. Il repousse le mauvais œil. À l'âge de 26 ans, il devient chef de guerre. Et non pas chef de gare, car des gares, à cette époque, il n'y en avait pas encore beaucoup. Sitting Bull est robuste. Il coiffe ses cheveux en tresse et porte une grande plume d'aigle au sommet du crâne. Son torse est recouvert de cicatrices. Son regard, dur. Dans les années 1860, on voit de plus en plus d'hommes blancs parcourir les grandes plaines. Ils sont chasseurs, chercheurs d'or, ou bien ce sont des soldats de l'armée américaine qu'on appelle les tuniques bleues, en raison de leur uniforme rouge, à paillettes. Non, bleu, sans paillettes. Les blancs construisent des forts, ils tracent des routes. Ils s'enfoncent de plus en plus loin, à l'ouest, dans le territoire des Sioux. Certains Indiens font du troc avec eux. Sitting Bull, jamais. Au plus profond de lui-même, il le sent, il le sait. Ces visages pâles ne sont pas venus jusqu'ici pour griller trois saucisses au-dessus d'un grand feu. Le guerrier a raison. Ces hommes blancs veulent s'emparer de leur terre. Leur simple présence signifie le danger. Ils massacrent les bisons pour revendre leur peau. Ils apportent des maladies. Il faut les arrêter. À la tête d'un groupe, réunissant les plus grands guerriers de son clan, Sitting Bull harcèle les envahisseurs. Sans s'arrêter, ils attaquent les campements de bûcherons, les convois de mineurs et les forts. Les blancs ont beau tirer toutes les balles de leurs fusils, ils ne font pas le poids, ils doivent demander une trêve. Avec un panini et un pain au chocolat. En 1868, les visages pâles et le grand chef Sioux, Red Cloud, signent le traité de Fort Laramie. Avec ce pacte, Red Cloud croit gagner sa première guerre contre les États-Unis. Il se réjouit. Pas Sitting Bull. Ce morceau de papier, il le trouve infâme et honteux. S'il délimite une zone que les Blancs n'ont plus le droit de traverser, les Indiens, en échange, acceptent de vivre confinés dans de drôles de territoires qu'on appelle des réserves. Plus possible pour eux désormais de se déplacer librement pour chasser le bison, pour se nourrir. Le gouvernement américain leur versera de l'argent et livrera des rations de viande. Mais vous êtes fous ! Lance Sitting Bull à tous ceux qui acceptent de signer l'accord. Vous vendez votre liberté en échange d'un peu de sucre et de café ? Et puis, la paix avec les Blancs, oh franchement, ça le fait doucement rigoler. L'envahisseur n'est pas digne de confiance. Sa langue est fourchue, sa parole ne vaut rien. Sitting Bull décide de continuer le combat. De nombreux guerriers le rejoignent. Rien d'étonnant à cela. Toutes les tribus de la plaine le respectent. En 1869, à l'issue d'un grand conseil, Sitting Bull est élu chef suprême de la Confédération Sioux. Le voici officiellement à la tête de la résistance indienne. Notre homme sait se montrer à la hauteur. Il conduit de nombreux raids contre l'armée américaine en volant au passage des bœufs et quelques chevaux. Souvent, les balles pleuvent au-dessus de sa tête. C'est lors de ces impressionnantes fusillades que Sitting Bull réalise l'un de ses plus fameux exploits. Nous sommes en 1872. Assailli par les tirs des visages pâles, le chef ne fuit pas. Calmement, il descend de son cheval. Il s'assoit. Le visage à découvert, indifférent aux balles qui sifflent à ses oreilles, Sitting Bull bourre sa pipe. Il allume son calumet avant de le fumer tranquillou sous les acclamations de ses frères de sang. Oh, oh, oh, oh, sacré Sitting Bull! Oh. l'armée américaine est verte, rouge, mauve. Le lieutenant-colonel Custer, à la tête du 7e régiment de cavalerie, veut sa peau. Incapable de le capturer, il se venge sur des villages Cheyennes. Mais où ? Où est-il, ce maudit peau rouge ? Où est Sitting Bull ? Ah, on va savoir. Oh, peut-être dans les Black Hills. S'il y a un lieu que le chef Sioux chérit par-dessus tout, ce sont ces immenses pics de roches claires qui déchirent le ciel au-dessus de forêts, de grands sapins sombres. Ici reposent les esprits et l'âme de tous les ancêtres. C'est la demeure des dieux, le cœur de tout ce qui est. Ce territoire sacré est protégé par le traité de Fort Laramie. Aucun homme blanc n'a le droit d'y pénétrer. Oui, mais voilà, ces mystérieuses montagnes excitent l'imagination des hommes blancs. Les rumeurs les plus folles circulent à leur sujet. Ici vivraient des démons, des géants. Il paraît qu'on pourrait même y trouver de l'or. De l'or ? Les visages pâles en raffolent. Custer ne tient plus. En 1874, il pénètre secrètement dans les Black Hills avec son régiment. Sitting Bull est foudrage. Je les tuerai jusqu'au dernier, ces faces de chien. Mais il y a pire. Custer a trouvé des pépites d'or en grande quantité. La nouvelle fait la une de tous les journaux. Immédiatement, des aventuriers sautent dans leurs charrettes. Le peuple américain, possédé par la fièvre de l'or, veut envahir les Black Hills. Ah bon ? C'est une montagne sacrée pour les peaux rouges. Mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire ? En plus, l'or, ils n'en font absolument rien. Ils sont bien trop stupides pour reconnaître la valeur de l'argent. Voilà, à peu près, leur façon de penser. Le gouvernement américain propose de racheter les Black Hills. Les Indiens refusent, Sitting Bull en tête. L'or n'a aucune valeur à côté de la terre nourricière. Cadeau de Wakantanka. Les représailles sont terribles. Les États-Unis déchirent le traité de Fort Laramie. Le gouvernement ordonne à l'armée de prendre les montagnes de force en éliminant, s'il le faut, tous les Indiens qui s'y opposent. Un bon peau rouge, plaisante alors les généraux, est un peau rouge mort. Les Indiens sont prêts à riposter. Depuis des mois, Sitting Bull est rejoint par des milliers de vaillants combattants, Sioux et Cheyennes. Nous sommes en 1876. C'est le mois de juin. Les Indiens viennent d'établir un grand campement près de la rivière Little Big Horn. Dans quelques jours, ils seront presque 10 000 et livreront la plus grande bataille de l'histoire des guerres indiennes. Pour se préparer, Sitting Bull décide de rendre hommage à Wakantanka, le grand esprit. Pour lui, il effectue le rituel sacré de la danse du soleil. Après s'être purifié à l'intérieur d'une tente, chauffé à des températures extrêmes, les cheveux défaits, le torse nu, le visage et les pieds peints en rouge, il danse 36 heures, sans s'arrêter, sans boire, sans manger. Au bord de l'épuisement, soudain, il a une vision. Sitting Bull voit des hommes blancs. Leurs visages et leurs chevaux sont renversés. Ils sont morts. Le grand chef sait ce que ce message signifie. Wakantanka est avec eux. Les Indiens seront victorieux. Vite, les tuniques bleues sont à l'approche. Sitting Bull, épuisé par le rituel, ne part pas au combat. Des hordes d'Indiens se précipitent à la rencontre des assaillants. Les Blancs tremblent de peur. Ils font bien. La bataille commence. Les Indiens ne font pas de quartier. Ils tirent, ils rouent leurs adversaires de coups. Ainsi que l'avait annoncé le grand esprit Wakantanka, il triomphe. Que dis-je ? La victoire est éclatante. Ce jour-là, l'affreux Custer trouve la mort. Humilié, les États-Unis veulent se venger. Sitting Bull doit fuir. Traqué, affamé, la résistance indienne est épuisée. Sitting Bull continue. Jusqu'au jour où il ne peut plus. En 1881, à l'âge de 50 ans, le grand chef indien n'a plus d'autre choix que de se livrer à l'ennemi. Si tu te rends un jour dans les grandes plaines de l'ouest de l'Amérique,